Le joueur de violon. Jadis, les habitants de Gmund, en Souabe, construisirent une magnifique église à Sainte Cécile, patronne des musiciens. Des lys d'argent brillaient comme les rayons de la lune autour de la sainte. Des roses d'or, comme la pourpre de l'aurore, décoraient son autel. Elle était revêtue d'une robe d'argent et portait à ses pieds des souliers d'or fin, car alors c'était encore le bon temps. Le temps où, non seulement dans la contrée allemande, mais au-delà des mers, les joailliers de Gmund étaient renommés pour leur travail. Une quantité de pèlerins se rendaient à la chapelle de Sainte Cécile et là résonnaient des hymnes mélodieux. Un jour, arrive un pauvre joueur de violon, aux joues pâles, au corps amaigri. Il a longtemps marché, il est là, et n'a dans sa besace ni pain ni argent. Il entre dans l'église et joue de son instrument. La sainte est émue de ses accords, touchée de sa misère. Elle fait un mouvement, elle s'incline, détache un de ses souliers d'or et le jette dans les mains du pauvre ménétrier. Ivre de joie, il s'élance en chantant hors de l'église et court chez un bijoutier pour y échanger son trésor contre des ducats. Mais à peine l'orfèvre a-t-il vu le soulier qu'il arrête comme un voleur l'innocent musicien et le conduit devant le juge. Le procès est bientôt achevé. Le crime est évident. Le coupable est condamné à mort. La cloche des trépassés résonne et un nombreux cortège se met en marche. On entend retentir les chants funèbres des moines et par-dessus tout le violon du condamné. Car il a demandé, comme une dernière grâce, à garder son violon et à le faire vibrer jusqu'au dernier moment. Et lorsqu'on arriva devant la chapelle de Sainte Cécile, « Laissez-moi entrer là encore une fois, » dit-il, « laissez-moi jouer ma dernière mélodie. » Sa prière est exaucée. Il entre, il se prosterne au pied de l'autel et, d'une main tremblante, fait mouvoir son archet. La sainte, émue de sa douleur, s'incline, détache son autre soulier d'or et le jette dans les mains du pauvre musicien. Une foule nombreuse assiste à ce miracle et chacun voit comme la sainte protège les musiciens du peuple. On entoure l'artiste ambulant, on le couronne de fleurs, on le conduit en triomphe à l'hôtel de ville. Et les magistrats lui font servir un banquet solennel.